cahier d'évidence. Sous d'autres le fardeau, en bas dans mes souffrances, d'un sommeil sans repos. Je n'eus jamais l'audace d'implorer qu'elle vienne percer cette cuirasse de son capitaine. Je la vois qui s'approche, répondre l'impossible sans peur et sans reproche, les poches pleines d'indicibles. Je sans peur, sans reproche, poche pleine.